D'une manière générale, le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même endroit sur la voie publique ne peut excéder 7 jours. Passé ce délai, le stationnement est considéré comme abusif. Toutefois, en agglomération principalement, ce délai est réduit dans certaines zones. Une signalisation appropriée indique alors aux usagers les conditions du stationnement. Ici, où aucune signalisation n'est en place, la durée est 7 jours. Réponse B.